Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Il en fallait du courage et de la curiosité il y a plusieurs siècles pour prendre la mer et mettre le cap sur le pôle nord ou le pôle sud, aller là où la mer se transforme en glace, naviguer vers des mondes totalement inconnus qui ne figuraient sur aucune carte. Au fil de ces expéditions, les contours géographiques de l'Arctique et de l'Antarctique se sont dessinés, les moyens d'exploration se sont modernisés, mais encore aujourd'hui, les expéditions polaires restent des aventures rude et engagée. Dans un livre intitulé « Polar Circus » paru aux éditions du Trésor, Stéphane Dugast raconte l'histoire des expéditions menées en Arctique et en Antarctique par la France. Et dans un instant, nous allons partir avec lui dans le sillage des explorateurs polaires français, de Yves de Kerguelen à Paul-Émile Victor, en passant par Jules Dumont-d'Urville ou encore Jean-Baptiste Charcot. Les premiers résultats de la sonde spatiale Parker Solar Probe partie observer la surface du Soleil et la création d'un comité national d'éthique du numérique, nous en parlerons vers 15h45 dans la revue d'actu de la semaine avec Sophie Bécherel et Carole Châtelain. Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes avec à la technique Louis Audebert. Une émission raccourcie d'une heure en raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. 18 février, il est 8h du matin. Depuis déjà plus d'une heure, le bateau a abordé le continent antarctique et nous sommes sur le pont fascinés comme des petites mouches par la somptuosité du paysage. Il y a des montagnes à l'horizon couvertes de neige qui descendent à pic, c'est totalement extraordinaire. Il y a des bouts de glace partout qui flottent, de toutes les couleurs, enfin dans les tons de gris, de turquoise, de blanc. Là, devant moi, il y a un gros bout d'iceberg tout turquoise. Au fond, une énorme rocher noir couvert de neige. Et on continue, on voit ça à l'infini, tout au bout. Le temps est beau, il y a du bleu dans le ciel, il y a des grandes traînées grises, mais il y a des grandes plages de bleu. Enfin, c'est une symphonie pour un continent gris, blanc et bleu. Arrivé sur les côtes du continent antarctique, c'était un extrait de L'échappée belle sur France Culture en 1993. Bonjour Stéphane Dugast. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste et membre de la Société des explorateurs français. Vous avez vous-même effectué de nombreux voyages en Arctique et en Antarctique, hein, sur les traces des explorateurs polaires. On l'entendait à l'instant, encore aujourd'hui, les régions polaires exercent une véritable fascination sur celles et ceux qui s'y rendent. Vous, vous l'avez personnellement vécu, ressenti ce moment intense au bord de ces côtes gelées? Complètement, c'est un magnétisme qui est fort, qui est puissant, qui est à la mesure de cette nature qu'on voit, si attirante, si fascinante, mais aussi hostile. Et je crois en la magie et en la mémoire des lieux, et dans ces lieux les plus reculés de la planète, en tout cas sur les extrémités, le Grand Clou, comme l'appelaient les Esquimaux pour le pôle Nord, et au pôle Sud, en Antarctique, on ressent fortement et on est fortement imprégné par cette nature si puissante. Alors commençons par rappeler justement la différence entre l'Arctique et l'Antarctique. C'est ce que vous faites dans votre livre et c'est pas inutile. Alors l'Arctique, c'est où il y a des ours, et étymologiquement Arctos, l'ours, donc la grande ours, la constellation, qui permettait aux premiers navigateurs de se repérer, puisqu'à côté de la grande ours, vous aviez l'étoile polaire, donc c'est facile. Quand vous voyez des ours, c'est que vous êtes au nord, donc un océan gelé entouré de terre. Un océan gelé entouré de terre. Il n'y a pas de terre sous la glace de l'Arctique. Alors on a longtemps cru que peut-être il y avait une île, il y avait un paradis, mais non. L'Arctique, donc c'est un océan qui gèle, la banquise, qui se rétrécit avec les dérèglements climatiques et qui diminue en épaisseur et en superficie. Et l'antarctique, donc le contraire de l'Arctique, est l'Antarctique, qui est une île recouverte de glace, donc d'une calotte glaciaire. Et cette calotte de glace, la glace déborde l'hiver et fait une banquise tout autour. Et il y a deux calottes glaciaires sur cette planète, l'Antarctique et cette grande île, le Groenland, recouverte de glace, qui elle est en Arctique près du pôle Nord. D'où peut-être la confusion. Et pour finir, l'Antarctique, c'est là où il y a des manchots et non pas des pingouins. Voilà. Donc l'Antarctique, côté pôle sud, avec les manchots. L'Arctique, que de la glace, pas de terre en dessous, avec des ours polaires. Voilà. Pour être pédagogique. Et alors, l'Arctique est resté très mystérieux pendant longtemps. Alors oui et non, Daniel, puisque moi je pensais que l'exploration de l'Arctique était... était tardive, puisque les Français sont les Basques qui se sont aventurés du côté du Spitzberg, qu'on appelle le Svalbard. Et avant, il y avait les navigations des Vikings qui avaient découvert le Groenland. Le Groenland, la terre verte, parce qu'il y a un bout du Groenland qui était vert. Et justement, la petite île de l'autre côté, Islande, c'était de la glace. Et en fait, en compulsant plein d'archives, je me suis aperçu qu'un dénommé Pythéas, en moins 320 avant Jésus-Christ, moins 320, moins 4 siècles avant notre ère, ce serait... Je dis bien ce serait, puisque est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est vrai? Mais les recherches archéologiques récentes tendent à prouver que oui, les Phéniciens sont remontés très très haut. Alors est-ce que c'est au large des îles Féroé, est-ce que c'est au large de l'Islande qu'il aurait découvert l'Ultima Thule, donc ce point septentrion du nord où il aurait vu un poumon marin, ce qui correspondrait à la banquise en formation. Toujours est-il que Pythéas va faire un récit de voyage, mais on va en perdre la trace puisque en 72 après Jésus-Christ, incendie dans la bibliothèque d'Alexandrie et tous ses écrits disparaissent. Néanmoins, il a plein de détracteurs et tous ses détracteurs vont écrire sur lui. Et ce qui est intéressant, c'est que ses détracteurs vont nous raconter son voyage et vont nous le décrire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cet explorateur, ce hardi explorateur que j'ai classé comme français, puisqu'il est originaire de Marseille. Pythéas, le Massaliote, vous dites. Ouais. Et qui n'a sa statue que dans le vieux port et il y a un restaurant qui s'appelle le Pythéas. Et on a un grand héros et en France, on l'a un peu oublié. Il faudrait un bateau, il faudrait le célébrer, ce Pythéas. Mais alors, ouais, il serait allé jusqu'où exactement, ce Pythéas? C'est un mathématicien, c'est un astronome, c'est quelqu'un qui sait très bien lire les étoiles. Et les Grecs et les Massaliotes à cette époque sont très érudits, savent que la Terre devrait être sphérique. Et le but du jeu pour lui, c'est d'aller au solstice d'été, à 66 degrés nord, pour y calculer un méridien et par déduction, en déduire que la Terre est sphérique et donc ronde. Donc vous voyez qu'il est assez prophétique. Toujours est-il qu'il va mettre du vent dans ses voiles et du vent dans ses synapses, pour faire un jeu de mots. Et il va vraisemblablement donc partir de Marseille, longer l'Espagne, franchir les portes d'Hercule, sortir en Atlantique, là c'est l'inconnu, aller directement sur l'île de Ouessant, passer en Manche, faire le tour de ce qu'il appellera l'île d'Albion, d'où le perfide Albion plus tard. Et il va remonter au nord de l'Écosse, rencontrer un peuple qu'on appelle les Pictus, qui se peignait le visage, remonter sur les Féroé et vraisemblablement atteindre l'Islande. Et après, au nord de l'Islande, taper et toucher la banquise. Alors il y allait pour des visées scientifiques, mais aussi des visées économiques, puisqu'il allait pour découvrir les gisements d'ambre et d'étain. Il va revenir de son voyage, ce qui est invraisemblable, et là, il va en fait avoir affaire à la stupéfaction de ses compatriotes qui, pour eux, au nord du 45e parallèle, c'est pas possible que ces peuples barbares soient aussi instruits qu'eux. Donc tout ça va tomber dans les nimbes de l'histoire. Et alors, il faudra attendre, pour le coup, de longs siècles avant que d'autres osent s'aventurer aussi loin que l'avait fait Pythéas. Il faudra attendre que le commerce on aille chercher des débouchés du côté des Tsars, du côté du Spitzberg, du côté du Nord, qu'on aille chasser cette baleine qu'on a complètement décimée dans le golfe de Gascogne et qu'on aille toujours plus au Nord, qu'on fasse commerce des fourrures de peau de phoque. On va même créer une France de l'Arctique au XVIe puis au XVIIe siècle. On va s'y fracasser les destins puisque ça va être fonction de la puissance de la marine hollandaise, de la marine britannique, avant la marine espagnole et portugaise qui a un petit peu tout gelé pour la conquête du monde. Toujours est-il qu'il faudra attendre le XVIIe siècle pour que les Français, les Européens repartent à l'assaut de ce qu'on pensait être peut-être un continent. C'est pas que c'est une mer gelée et on est dans le fantasme le plus absolu en se disant que peut-être derrière cette glace, il y a un paradis, il y a une forêt tropicale, il y a des richesses insoupçonnées. Encore au XVIIe siècle, on imagine ça. On est tombé dans un obscurantisme religieux puisque les Grecs avaient déterminé l'Arctique, lui ont donné ce nom et ensuite on va qualifier ce grand nord qui est hostile, où on en revient difficilement, d'enfer. Peut-être qu'il y a un paradis derrière, on va pas trop s'y aventurer. Toujours est-il que on va se lancer le long de la Russie sur ce qu'on appelle le passage du nord-est, le passage maritime du nord maintenant, ou le passage du nord-ouest, où les destins vont se fracasser le long de ces îles entre le Groenland et le Canada. Et là, c'est l'expédition de Franklin qui va être complètement engloutie chez nos amis britanniques. Et on va mettre énormément de temps avant de franchir ces passages. Il faudra attendre grosso modo le début du XXe siècle. Alors parmi les Français qui se sont lancés dans l'exploration polaire, il y a Yves de Kerguelen. Nous sommes au XVIIIe siècle, sous Louis XV. Qui est-il, Kerguelen? Kerguelen est un pur produit de la Royal, donc de la marine de guerre. On est dans une marine qui, au 18e, commence à comprendre qu'au nord, c'est un océan avec cette banquise. On comprend qu'au sud, il y a une terra australis incognita, une terre inconnue qu'il faut aller explorer. Là aussi, c'est encore un mythe. On se dit, est-ce qu'il y a des richesses? Est-ce qu'il y a un paradis? Et le siècle des Lumières, en fait, depuis la Renaissance, a réhabilité les connaissances des Grecs, des Phéniciens, des Massaliotes. Et donc, on a envie d'aller explorer cet antéarctique, le contraire de l'Arctique. Et de Kerguelen arme un bateau, va faire escale à l'île Bourbon, du côté de la Réunion, changer même de bateau, en prendre un plus léger. Il y a deux bateaux, ils vont aller dans le confin de ces mers qu'on explore en ce moment quand on fait le Vendée Globe, qu'on fait le tour de l'Antarctique. Et il va découvrir ce qu'on appellera les îles de la désolation. Alors, il va survendre cette découverte, hein, parce qu'il y va une première fois, il fait assez mauvais temps, il ne s'arrête même pas, il ne fait même pas escale sur ces îles de la désolation. Il rentre en France et à Louis XV, il lui dit, on a découvert une sorte de petit paradis, il faut y retourner. Il survend complètement sa découverte. Ces îles sont battues par les vents, il n'y a pas d'arbres, c'est tout petit, c'est hostile, il débarque même pas. Et notre ami Kerguelen va rentrer à la cour, on ne sait pas pourquoi, comment, mais il va survendre la chose. La cour va s'enthousiasmer, il va réussir à faire taire les rumeurs de l'équipage, parce que l'équipage sait qu'ils n'ont pas découvert le paradis. Oui. Et il va réussir à réarmer une expédition, il va retourner une seconde fois, et force est de constater pour cette seconde fois que la présumée île pleine de richesses n'est pas pleine de richesses, et il va être destitué de tous ses titres, et il va écrire ses récits de voyage depuis son château à Saumur, en étant oublié de tous, mais un grand navigateur britannique, James Cook, remarquera que ses calculs de longitude et de latitude sont les bons, donc laissera le nom de Kerguelen à ces îles. Ces îles donc qui, après avoir été baptisées les îles de la désolation, s'appelleront les îles Kerguelen. Elles s'appellent encore comme ça aujourd'hui. Quand est-ce que l'on découvre pour la première fois l'Antarctique ? Cocorico, Daniel. Cocorico, il y a une grosse compétition. On va faire comme à la course hippique, kazakh nord-américaine avec Charles Wilkes. Vous avez un Britannique et vous avez Jules Sébastien César Dumont d'Urville, marin issu de la marine. Maintenant, on est sous la monarchie, et Jules Sébastien César Dumont d'Urville a participé à la découverte de la Vénus de Milo en Méditerranée. Il est au relais de grands titres. Il collabore à la Société de géographie. Il est géographe, il fait œuvre de marin, etc. Et en 1840, il entreprend un très très grand voyage, inspiré de Louis-Antoine de Bougainville, de la Pérouse, là où on faisait ses grandes expéditions, inspiré aussi de James Cook, qui est l'un des plus grands. Et quand il descend au sud, il apprend, lors d'une escale en Tasmanie, que plusieurs expéditions foncent vers le continent antarctique, car on sait que maintenant il y a une île entourée de glace. Et il se dit, bigre, il faut que je sois le premier. Et il va être le premier au nez à la barbe de Charles Wilkes. Alors, nos amis des États-Unis nous le reprochent, pour eux, c'est Charles Wilkes, le découvreur de l'Antarctique. Pour nos amis russes, c'est les Bellingshausen qui avaient été envoyés au préalable. Mais le premier, en tout cas, les premiers à poser le pied sur l'île qui deviendra l'île des pétrels au large de l'Antarctique, ce sont des Français. Alors, son bateau s'appelait l'Astrolabe, en hommage justement à celui de la Pérouse. Ce nom a aussi été donné à des navires polaires français qui assurent la logistique de la Terre Adélie en Antarctique. Et en décembre 2018, Nicolas Martin de France Culture s'est rendu là où Dumont d'Urville avait débarqué il y a un peu moins de 200 ans. Il était en compagnie de François Tristram, capitaine de l'Astrolabe, quatrième du nom, et Stanislas Zamora, ancien capitaine. Donc là, il faut imaginer la chaloupe de l'Astrolabe, sous quai ferme, matelot, à la rame. Ils sont arrivés ici, au 20 janvier 1840. Ouais, ça devrait être pas mal, là. Voilà, on est amarré. C'est émouvant d'être là, ici. C'est vrai que nous, l'Astrolabe, on est les successeurs de cet Astrolabe-là, donc assez magique. Du blanc, du bleu. Oui, formidable. C'est l'histoire qui se poursuit. Alors, je lis la plaque du rocher du débarquement. Parti à la recherche du pôle sud magnétique, l'amiral Jules Dumont d'Urville, avec les équipages de l'Astrolabe et de la Zélée, découvrit cette partie du continent antarctique le 20 janvier 1840. Le lendemain, il débarqua sur ce rocher pour prendre possession, au nom de la France, de ce territoire qu'il nomma Terre Adélie, en hommage à son épouse Adèle. Donc on va rendre hommage à nos ancêtres, nos prédécesseurs plutôt, le 1840. Ils ont débouché une bouteille de Bordeaux. Voilà, on a un petit Bordeaux. On va ouvrir en leur mémoire. à leur santé. Dumont d'Urville, lui, voulait trouver le pôle sud magnétique. Hein. C'était ça, la quête. On était dans une quête du pôle sud magnétique, donc décalé du pôle sud géographique et qui se décale au fur et à mesure des rotations de la Terre. Et Dumont d'Urville va profiter de conditions de glace exceptionnelles, puisqu'il faut imaginer que cet astrolabe, deuxième du nom, qui succédait donc en hommage à celui de la Pérouse, était un bateau qui n'avait pas de moteur, on était à la voile. Et imaginez-vous, vous frayez un passage entre ces gros blocs de glace, de glaçons, avec un bateau à la voile, avec les hommes qui étaient avec des pics pour repousser la glace, toujours est-il qu'ils vont être les premiers à poser le pied sur cette île très proche du continent antarctique, déboucher cette bouteille de Bordeaux, comme on vient de l'écouter. Je trouve que c'est beaucoup de panache, beaucoup de bravoure et l'aventure peut être belle. Alors qu'il a survécu à bien des épreuves en mer, hein, Dumont d'Urville, il va mourir 2 ans après dans un terrible accident de train, le premier accident de cette importance en France. La France a un héros polaire et cet héros polaire a été nommé entre temps contre-amiral, incarne l'esprit de l'exploration et la France reprend pied dans ces années 1840-1850 et là il va passer le dimanche, figurez-vous, depuis Paris en train à Versailles et sur chemin du retour, dans un tunnel à Meudon, le wagon de tête s'accélère, les wagons s'encastrent et les wagons sont en bois. Et parce que les voyageurs avaient tendance à ouvrir la porte et passer la tête à côté, on roulait à 30-40 km/h, les contrôleurs avaient décidé de fermer à clé ces wagons. Et quand tout va s'encastrer et va prendre feu, en fait, les passagers à l'intérieur vont pas pouvoir sortir de leur compartiment. Et c'est le premier accident ferroviaire d'importance. Et dedans, on a un héros polaire et sa famille. Il est avec sa femme Adèle dans ce train. Adèle qui a donné donc le nom, enfin, c'est lui qui a donné le nom de sa femme à cette terre Adélie. Donc les explorateurs ne sont pas tous des machos et ils ont rendu, en tout cas pour Dumont d'Urville, hommage à leur épouse qui les attendait et il périt avec son épouse et du coup la France dans son expansion, son exploration polaire, parce qu'il y avait aussi des visées, beaucoup de visées scientifiques, géographiques, on est dans une exploration intense, là les choses vont un petit peu même totalement se suspendre. Du coup la France va sombrer dans un long coma polaire. Ouais, il faudra attendre le commandant Charcot et son célèbre navire le pourquoi pas pour que la France se relance dans l'exploration polaire, comme vous allez nous le raconter, Stéphane Dugas, dans un instant. Le pourquoi pas fut lancé à Saint-Malo le 18 mai 1908. Il était spécialement construit pour les expéditions polaires et fut longtemps considéré à l'étranger comme le modèle du genre. C'est surtout dans l'Antarctique que le docteur Charcot accomplit ses plus fructueuses croisières scientifiques. Il fut notamment le premier à explorer les côtes prolongeant l'Amérique du Sud vers le pôle sur une distance de plus de 4000 km. Resigned. My friends will think I was a nut. C'était Salisbury Hill de Peter Gabriel et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. France Inter. Synapse. Commence alors l'errance dans un univers de montagnes de glace dérivantes. C'est tellement beau qu'en me demandant si je rêve, je voudrais rêver toujours. On dirait les ruines d'une énorme et magnifique ville tout entière du marbre le plus pur, dominée par un nombre infini d'amphithéâtres et de temples, édifiée par de puissants et divins architectes. Mais bien vite, la fascination laisse place à la crainte, puis à la frayeur. C'est inutile de lutter davantage. Notre situation est critique, car pris entre la Terre et un iceberg, nous avons à peine la place de virer. Machine arrière. Un instant d'hésitation peut nous perdre. Lentement, la grande falaise de glace qui nous menace et nous domine défile devant le beau pré qui la rase à un mètre à peine. Extrait du journal de bord de Jean-Baptiste Charcot, le commandant Charcot, lors de sa première mission en Antarctique. On sent ce mélange d'émerveillement et de crainte devant ce grand continent blanc, Stéphane Dugast. Et quelle littérature polaire, Jean-Baptiste Charcot, moi je l'adore. Ce monsieur à la barbe blanche, ce monsieur qui était donc le fils de Jean-Martin Charcot, le grand neurologue, et Jean-Baptiste qui a fait des études de médecine pour faire plaisir à papa et pour honorer ce que son père lui avait dit de s'engager et qui va, par goût du large, par goût de l'aventure, partir à la conquête de l'Antarctique, mais non pas partir à la conquête du pôle sud qui aimante tous les Norvégiens, les Britanniques. Lui, il va aller hiverner pour observer ce continent, y voir la biodiversité le long de ses côtes, de ses glaces qui l'intriguent tant. Et puis c'est une grande, grande plume, un grand monsieur, grand commandant, difficile de lui trouver des défauts. J'ai essayé, mais je n'y parviens pas. C'est vrai. Dans votre ouvrage, Stéphane Dugast, Polar Circus, paru aux éditions du Trésor, où vous racontez l'histoire des expéditions polaires, on voit que le commandant Charcot occupe une place importante. C'est une figure marquante. On le surnommait le gentleman polaire. Alors, le gentleman polaire, tout à fait, Daniel. Et c'était en plus un surnom qui lui a été donné par nos amis britanniques. Et Dieu sait si entre britanniques et français, parfois, les propos étaient peu courtois. Et Jean-Baptiste Charcot avait eu l'élégance, lors de ses hivernages, de laisser passer les amis britanniques et les laisser hiverner dans un endroit plutôt que dans un autre. Et c'était surtout un formidable meneur d'hommes, un formidable humaniste, un formidable passeur de science et un monsieur qui a dédié en tout cas sa vie à l'exploration des pôles, puisque plus tard il ira en Arctique. Ouais, alors il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Sa première grande expédition en Antarctique, c'est en 1903. Comment ça se passe, cette toute première expédition ? Alors il reçoit un soutien très timide de l'État, des institutions, il y va sur fortune personnelle et il va faire une campagne de participative, de crowdfunding comme on dirait avant l'heure avec le quotidien Le Français. D'ailleurs il baptisera son bateau Le Français et avec Le Français il va aller hiverner pendant 2 ans au profit du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il va emmener des scientifiques, il va mettre en place dans son bateau des laboratoires et pendant 2 ans ils vont observer hiver comme été, ce continent si mystérieux. Il notait avec cette plume si formidable qu'on vient d'écouter, une plume aussi très, très scientifique avec des photographes, puisqu'il a un photographe sur son expédition, des dessins, et il aura cette particularité tous les dimanches d'entretenir le moral de ses hommes en écoutant le phonographe sur la banquise avec ses manchots tout autour, qui vont même surnommer en tout cas une espèce de manchot, manchot Adélie en hommage à Dumont d'Urville. Donc on y voit encore une nouvelle fois beaucoup de courage, de bravoure, de science et de panache, un mot un petit peu décevant mais moi que j'adore. Jean-Baptiste Charcot, vous l'avez dit, va aussi s'intéresser à l'Arctique, donc côté pôle Nord. Que va-t-il faire en Arctique ? Alors, il est devenu le héros des expéditions antarctiques avant-guerre. La guerre 14-18 éclate. Il va aller se battre et rentrer même dans la marine. Et après-guerre, il va armer son trois-mâts, le pourquoi pas, qu'il a fait construire au chantier à Saint-Malo. Et il va dédier ses expéditions à l'Arctique, donc au Spitzberg, au Groenland, à l'île Jan Mayen, une île norvégienne. Et il va aller une nouvelle fois refaire ses expéditions vont emmener des scientifiques à bord et avoir et faire des rencontres de jeunes explorateurs qui vont s'agglutiner, se presser autour de lui. Oui. Dans les années 1920, en France, Jean-Baptiste Charcot est devenu une sommité. Il est membre libre de l'Académie des sciences. Il est aussi membre de l'Académie de marine en 1929. Et c'est alors qu'il est au sommet de sa carrière qu'un jeune étudiant, plein de culot, vient le voir. Un certain Paul-Émile Victor, qui racontera plus tard sa rencontre avec le commandant Charcot. Il m'a donné rendez-vous à l'Académie de marine. Et au mois de janvier 1934, je suis allé à ce rendez-vous, me faisant aussi petit que possible. Tout à coup, j'ai vu arriver Charcot, que je connaissais bien sûr, de vue. Ses yeux s'arrêtent sur moi et vient directement à moi. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut me reconnaître, lui, qui ne m'a jamais vu? C'était pas difficile, j'étais le seul à avoir 25 ans, enfin à avoir moins de 70 ans ou à peu près, quoi. Et il m'a dit, bon, mon petit, qu'est-ce que vous voulez? Alors je lui ai expliqué que mon projet était donc d'aller passer un an sur la côte est du Groenland, à Angmassalik. Il m'a dit, ben, vous avez du culot, je vais jamais à Angmassalik. Je vais au Scoresbysund, c'est à peu près à 500 km plus au nord, je n'y arrête que 48 heures, alors... Il dit, ben, commandant, si vous ne nous déposez pas à Massalik, je vois pas comment nous pouvons y arriver. Nous n'avons pas tellement d'argent. En réalité, nous n'avions pas du tout. Et c'est là où s'est produit ce qui a beaucoup marqué ma vie, bien entendu, et qui est assez exceptionnel. Il m'a regardé un long moment. Bon, j'avais la gorge sèche, hein, je savais pas ce qui allait venir. J'avais la trouille, vraiment. Puis après, j'ai vu un petit sourire dans ses yeux. Il a mis la main sur mon épaule et il a dit, eh bien, c'est entendu, mon petit. Je vous emmène. Et ça a tout déclenché. Stéphane Dugast, le courant va tout de suite passer entre le commandant Charcot et Paul-Émile Victor. Complet, il va totalement passer, puisque pour Jean-Baptiste Charcot, c'est le fils spirituel, et pour Paul-Émile Victor, c'est le père spirituel. Et ça va permettre à Paul-Émile Victor de lancer sa première expédition sur cette côte orientale du Groenland, dans la région d'Amasalik, qu'on appelle aujourd'hui Tassilaq. Et Paul-Émile Victor va se passionner pour ces Esquimaux, dont on connaît finalement peu de choses, et peu à peu, il va nous faire comprendre dans notre société française, qu'on a peu de rapports finalement avec la société Esquimaux, ce que sont les mots kayak, ce que sont les mots anorak. Alors ce mot d'Esquimaux aujourd'hui, il est considéré comme un peu péjoratif. À l'époque, on disait les Esquimaux. Aujourd'hui, on les appelle les Inuits. Mais ce Paul-Émile Victor, au début, c'est en tant qu'ethnologue qu'il va à la rencontre de ce peuple. Comment ça se passe? C'est en 1934, la première fois qu'il se fait déposer avec trois coéquipiers au Groenland. Alors qu'il est ethnographe, comme on disait à l'époque, pas encore ethnologue, et il a fait ses études au Musée de l'Homme avec les professeurs Rivet et Marcel Mauss, qui sont des sommités. Il faut savoir que c'est une science assez novatrice, puisqu'on s'intéresse pour la première fois à ces peuples dits indigènes, en s'intéressant à leurs mœurs, en s'intéressant à leurs ustensiles de cuisine, à leurs ustensiles de chasse, mais avec respect. On n'est plus l'homme blanc qui juge ces peuplades comme sous-civilisés. Et Paul-Émile Victor a fait ses études un peu à la hussarde, puisqu'il a abandonné l'usine de pipe en bois de bruyère à laquelle il était destiné, celle de son père. Et il s'est engagé dans ses études qu'il appellera de l'ethnologie amoureuse. Et puis là-bas, au Groenland, il va vivre intensément son séjour chez les Esquimaux, comme on les appelait à l'époque. Il va chasser l'ours, il va faire du traîneau, il va faire du kayak. Il va même tomber amoureux d'une belle Esquimaude, Doumidia. Bref, il va vivre intensément son ethnologie et il va nous ramener un témoignage unique de cette civilisation qui est en fait sur le point de disparaître, puisque les Esquimaux sont encore semi-nomades. Donc l'hiver, ils sont dans des maisons en tourbe dans lesquelles ils se calfeutrent. Et l'été, ils sont dans des tentes, un peu comme dans les tribus amérindiennes. Et cette civilisation est en train de se sédentariser. Et Paul-Émile Victor en saisit les derniers fragments d'une civilisation qu'il appellera la civilisation du phoque. Mais alors que Paul-Émile Victor fait ses premiers pas sur la banquise, pour le commandant Charcot, c'est la fin. C'est de retour du Groenland en 1936, alors que Charcot venait d'apporter des vivres à Paul-Émile Victor, que le naufrage du pourquoi pas survient. Il y a un rescapé, Eugène Gonidec, maître timonier. Grâce à lui, on dispose d'un récit assez précis des conditions du naufrage. 5 heures. Le jour se lève à peine. La mer est déchaînée. Soudain, des cris jaillissent de la passerelle. Tout autour, des écueils que le creux des lames laisse paraître à fleur d'eau. 5h15. Un craquement terrible. Le pourquoi pas heurte un seuil rocheux, se couche par tribord, balayé par une lame énorme qui emporte le maître de manœuvre de Gwen. Mais il se redresse sans voix d'eau. La machine est devenue inutilisable. Le commandant donne l'ordre à tout le monde de monter sur le pont et de capeler les ceintures de sauvetage. Il faut s'extraire de l'enfer. Ordre est donné de larguer les ancres de chaque côté pour stopper la dérive. Peine perdue. 5h45, le bâtiment vient s'écraser sur un rocher. Le commandant fait mettre à l'eau les Doris et les embarcations restantes, qui chavirent aussitôt ou se fracassent sur les récifs. Charcot meurt en mer à l'âge de 69 ans. C'était le voyage de trop, Stéphane Dugast. Ça va être une vraie polémique, puisqu'il a déposé, vous venez de le dire tout à l'heure, Daniel, il a redéposé Polémie Victor et sa famille adoptive, Eskimo, sur la côte. Il est revenu un petit peu plus au sud prendre les compagnons de Polémie Victor qui l'avaient accompagné sur une traversée de la calotte glaciaire. Il refait du mauvais charbon, vraisemblablement, au nord de l'Islande. Bref, il se retrouve en Islande, pressé aussi d'aller au Danemark, parce que c'est là qu'on va le célébrer en héros polaire. Il quitte le port de Reykjavik, le temps est splendide, le ciel est bleu, il y a une belle lumière. Et en fait, il va tomber dans la tempête d'équinoxe la plus terrible du siècle. Et ça va être ensuite la loi de Murphy, des enchaînements qui vont mal s'enchaîner. Il va faire naufrage. Et la France, qui avait encore un héros polaire, qui avait quelqu'un qui incarnait l'épaule, va le perdre. Et puis surtout, il y a un coupable qui est tout désigné, c'est Victor. Et il faut savoir que la famille Charcot et Paul-Émile Victor vont mettre énormément de temps avant de se réconcilier. C'est-à-dire que Paul-Émile Victor va culpabiliser suite à ce naufrage en se disant que c'est pour lui qu'il était revenu sur cette côte. C'est pire que tout. Puisque dans la biographie que j'ai coécrite avec Daphné, sa fille, la fille de Paul-Émile, on découvre que Paul-Émile Victor, en fait, il a pas de radio, il est avec sa famille esquimaude, il va apprendre le naufrage 3 ou 6 mois plus tard, dû de la bouche d'une femme esquimaude qui lui dit que le grand blanc avec la barbe blanche et son bateau ont sombré, et lui, il comprend pas ce qui lui arrive, il se précipite sur le télégramme, il apprend que tout le pourquoi pas a sombré sauf Eugène Gonidec, donc il y a perdu des amis, des gens qui comptaient pour lui, et il découvre qu'en fait, il y a une polémique, puisque il faut des coupables, déjà à l'époque. On n'a pas les réseaux sociaux, mais il faut des coupables. Et il est le coupable tout désigné. Il en est complètement meurtri. Il va présenter ses excuses à la famille, mais qui lui en tient rigueur. Et ça va mettre beaucoup d'années avant que la famille comprenne, en tout cas les descendants de Jean-Baptiste Charcot, que Victor, qui était avec sa famille, n'y était pour rien et qu'on peut appeler ça une mauvaise fortune de mer. En tout cas, c'est un drame. La mort de Charcot émeut la France entière. Le 12 octobre 1936 ont lieu ses funérailles. En présence du chef de l'État et des principaux membres du gouvernement, les funérailles nationales du docteur Charcot et de 21 membres de son équipage ont lieu à Notre-Dame. Les 22 cercueils sont réunis sur l'immense catafalque qui a été édifié sur le parvis. Le président de la République présente aux familles des victimes ses compliments de condoléances. De Gonidec n'a pu maîtriser son émotion. 12 octobre 1936, funérailles nationales pour Jean-Baptiste Charcot. On comprend en entendant cette archive l'importance que cet explorateur avait pris dans le pays. Aujourd'hui, il est moins connu, le commandant Charcot, mais à l'époque, c'était vraiment une sommité. C'était, on pourrait dire, une vedette, comme on disait à l'époque, donc une star. Et puis, il était de ces explorateurs humanistes, donc ces hommes l'aimaient, les gens de la communauté scientifique aussi. Et il commençait à partager ses découvertes avec une structure qui émergeait, Connaissance du Monde, avec Charles Kiesger, Sal Pleyel. Et c'est lui qui avait une nouvelle fois mis le pied à l'étrier de Paul-Émile Victor pour sa première conférence en public et qui allait laisser augurer du modèle du merveilleux, enfin de l'explorateur qui vient vous raconter ses merveilleuses histoires et qui diffuse son savoir auprès d'un large public. Et je pense que c'est pour ça qu'en France, on connaît les mots kayak et anorak et que c'est rentré dans notre vocabulaire commun. Après la mort de Charcot, Paul-Émile Victor a incarné à lui seul l'exploration des mondes polaires au cours du XXe siècle, tour à tour chef d'expédition, ethnologue, marin, écologiste, homme de télévision et de réseau aussi. Hein, il savait très bien faire les choses dans ce domaine. C'est vraiment un homme aux multiples facettes. Vous lui avez consacré, vous l'avez rappelé à l'instant, une biographie à Paul-Émile Victor avec Daphné Victor, sa fille. Elle s'intitule, cette biographie parue chez Robert Laffont, « J'ai toujours vécu demain ». Pourquoi ce titre « J'ai toujours vécu demain » ? Parce que c'est Paul-Émile Victor et que Paul-Émile Victor avait du mal à vivre au présent. Il disait à ses proches qu'il en avait pour 500 ans de projet. Moi, je m'y retrouve dans cette phrase. Mais que malheureusement, la vie sur Terre était peut-être beaucoup plus courte. Et Paul-Émile Victor a été un précurseur, un ethnologue avant-guerre. La guerre a éclaté. Après-guerre, il est devenu le chantre des expéditions polaires françaises. Ouais. Et l'exploration a changé de paradigme. On est parti d'une expédition un peu géographique, ou en tout cas de l'âme humaine pour Paul-Émile Victor. Et après-guerre, l'expédition devient vraiment scientifique et collective. Et Paul-Émile Victor va permettre à la France de prendre pied sur le continent antarctique, puisque depuis 1956, sans discontinu, la France envoie des scientifiques étudier les glaces. Alors c'est une évidence à l'heure actuelle, mais dans les années, fin des années 50, on voyait des hommes étudier la glace, ça paraissait un petit peu incongru. Lui, quel pressentiment avait-il ? Qu'est-ce qu'il pensait pouvoir trouver dans ces contrées glacées? Il avait pressenti en traversant la calotte glaciaire, donc qui est on va dire la petite sœur jumelle de la grande calotte glaciaire qu'en Antarctique, au Groenland, il avait pressenti que cette calotte glaciaire avait un rôle vraisemblablement sur le climat de l'hémisphère nord, et que les glaces, l'épaisseur des glaces, la superficie des glaces jouaient quelque chose sur le climat. Et pensez donc, cette calotte glaciaire culmine à plus de 3800 mètres, on n'en avait jamais étudié le substrat, la substance, sur quoi elle reposait. Et du coup, avec ses hommes, il va mettre en place d'abord des expéditions sur cette calotte glaciaire du Groenland, et puis sur un coup de dé, en rencontrant trois jeunes gens qui revenaient du Spitzberg en 46, il va leur adjoindre des campagnes d'exploration scientifique en Antarctique pour explorer là aussi la calotte glaciaire de l'Antarctique. Et c'est là qu'on va étudier les glaces plus en profondeur, et qu'on va comprendre que ces glaces, finalement, contiennent plein de renseignements sur le climat, notamment de la planète. Alors là, c'est un certain Claude Lorius qui va justement hiverner en Antarctique et qui va découvrir tout simplement que à l'intérieur de cette glace, des petites bulles nous révèlent la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère du passé. Alors la légende dit que c'est en buvant un apéritif, là encore, c'est très franchouillard et très français, mais moi j'adore. Et ils sont donc enterrés dans la glace, puisque les bases étaient enterrées dans la glace, puisque au-dessus les vents peuvent souffler très fort, il peut faire très très froid, on a constaté jusqu'à moins 99 degrés Celsius au cœur du continent antarctique. Et là, en prenant un apéritif, deux, trois, on ne sait pas, il va demander des glaçons à un de ses collègues, et son collègue va dire, bah tiens, prends des glaçons au mur, et en prenant des glaçons au mur, vous voulez un morceau de glace du mur, de la cloison de cette base qui est enterrée sous la glace, et en prenant ce morceau de glaçon, ils vont constater qu'il y a des petites bulles qui remontent, et sur le ton de la plaisanterie, se dire, mais tiens, d'après toi, ces petites bulles d'air qui remontent là, elles datent de quand? Et c'est là qu'ils vont avoir cette idée de carottage. Et c'est là aussi qu'il y a une belle utopie, en tout cas en Antarctique, c'est que on est en pleine guerre froide, les Américains, les Soviétiques, les Français vont s'entraider pour faire les carottages les plus profonds et pour analyser et partager leurs connaissances sur justement ces bulles d'air, qu'est-ce qu'elles contiennent et comment était le climat de notre planète. Et Claude Lorius va démontrer que la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère est liée à la température. C'est ainsi qu'on va se rendre compte du changement climatique. L'Anthropocène, et Claude Lorius, on lui a consacré, c'est Luc Jacquet qui lui a fait un merveilleux film, La glace et le ciel. Aujourd'hui, Stéphane Dugast, il y a en permanence des dizaines de stations scientifiques habitées en Antarctique. Tout le continent antarctique est en fait parsemé de bases scientifiques, alors principalement autour de son littoral, on le comprend, pour des raisons de logistique. Vous avez aussi des bases à l'intérieur, la base de Vostok pour les Russes, une base américaine qui est très proche d'ailleurs du pôle sud géographique. Et pour nous Français, nous avons cette base en Terre Adélie qui est proche du continent antarctique sur l'île des Pétrels, et nous avons aussi une base que nous partageons avec nos amis italiens, la base Concordia, qui elle est à l'intérieur du ce qu'on appelle le plateau. Donc toutes ces bases sont en autonomie totale, puisque c'est un petit peu une vie comme sur Mars, c'est-à-dire qu'il fait froid et que les hommes et les femmes voulaient ravitailler l'été. Et quel est le statut de ce continent blanc, de l'Antarctique? À qui appartient-il? L'Antarctique, c'est une formidable utopie. Il y a des utopies qui marchent sur cette planète. Et cette formidable utopie, c'est que le continent antarctique est une terre de science et de paix. Et ce, depuis 1959, avec le traité de Washington, on est en pleine guerre froide. Et les Américains, les Soviétiques, les Norvégiens, les Français, bref, toutes les nations vont se mettre d'accord pour protéger ce sixième continent, qu'on ne l'exploite pas économiquement, qu'on ne l'occupe pas militairement, qu'il n'y ait pas de frontières, mais qu'on puisse l'habiter par des bases scientifiques, qu'on le dédie aux sciences. Et ça va être prorogé en 1991, ça va être très compliqué avec le traité de Madrid. Là, ça court jusqu'en 2048, mais alors quid de 2048? Et ouais, c'est là tout l'intérêt de cette protection du continent antarctique. C'est-à-dire qu'on est à peu près assuré que ce lieu reste une terre de paix et de science jusqu'en 2048 au moins. Ensuite, il faudra re-signer, mais le dernier protocole, c'est Jacques-Yves Cousteau, qui a été un formidable ambassadeur, qui a fait un travail de fond avec Paul-Émile Victor pour convaincre nos amis aux États-Unis qu'il fallait pas y toucher, puisque les Néo-Zélandais, pour ne pas les citer, voulaient commencer à exploiter le sous-sol de l'Antarctique. Et on sait que l'appétit de l'homme peut être vorace, on le voit en Arctique, mais en tout cas, le paradigme, normalement, l'utopie doit durer jusqu'en 2048. Et du côté de l'Arctique, donc côté pôle Nord, en 2048, à quoi ressemblera la banquise? Alors la banquise, les projections sont très alarmistes, puisque la banquise, on parle même d'une disparition de cette banquise à l'horizon 2050. Et toute la difficulté de l'Arctique, c'est que c'est un océan glacial, comme on l'appelle, l'océan glacial arctique, qui est entouré de terres, de pays souverains, donc des eaux territoriales contiguës, et que le principe de Montego Bay vous dit que les eaux internationales appartiennent à tout le monde. Et puis les appétits sont féroces, parce que si vous passez les grands porte-containers par le nord et par cette mer dégagée, vous gagnez énormément de jours de mer. Pour les armateurs, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Donc là, on peut dire que l'avenir est plus sombre ou plus gris, en tout cas pour moi. Merci Stéphane Dugas. Je rappelle le titre de votre livre Polar Circus aux éditions du Trésor. Merci. Dans un instant, ce sera la revue d'actu de la semaine avec Sophie Bécherel et Carole Châtelain. With your bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Yeah. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. With the bomb lighting. Minnesota Vikings. C'était Truth Hurts, Lizzo. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Autour de la table pour la revue d'actu de la semaine, Carole Châtelain de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe. A daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. 3R68, look good in the full thrust mode. C'était il y a près de 16 mois, le 12 août 2018, la sonde Parker Solar Probe décollait de Cap Canaveral en Floride avec pour objectif l'observation du Soleil. Depuis, la sonde s'est approchée de notre étoile comme jamais cela n'avait été fait auparavant. Et Sophie Bécherel, les premiers résultats viennent de sortir, 4 articles publiés dans la revue Nature. Pourquoi l'atmosphère du Soleil, ce qu'on appelle sa couronne, est-elle 200 fois plus chaude que sa surface? Eh bien, c'est l'une des énigmes que cette sonde Parker tente de résoudre, en effet, depuis plus d'un an. Alors, en toute logique, plus on s'éloigne du cœur de l'astre, plus la température baisse. Dans la réalité, c'est d'ailleurs bien ce qui se passe, hein, au cœur du Soleil, véritable réacteur nucléaire, jusqu'à la surface, 6000 degrés. Mais ensuite, la température remonte jusqu'à 2 ou 3 millions de degrés. D'où vient cette énergie? C'est encore un mystère. Autre interrogation derrière laquelle court cette sonde Parker, profondeur. Pourra-t-on un jour mieux prévoir le vent solaire, ce gaz ionisé qui transporte une partie du champ magnétique de notre étoile et dont l'impact se fait sentir jusque sur Terre? L'impact, eh bien, ce sont d'abord les aurores boréales, une conséquence visible et très esthétique, mais oui, il y a des choses bien moins chic, les tempêtes solaires qui ont donc des impacts sur les satellites et les réseaux électriques. Et donc, après le premier survol de la sonde Parker, déjà des enseignements nouveaux? Oui, alors il y a eu 3 survols déjà sur les 26 au total qui sont prévus et les résultats parus dans Nature portent sur les 2 premiers. Alors si on prend les 2 questions dans l'ordre, voici ce que la sonde a d'ores et déjà mesuré. D'abord le champ magnétique de la couronne, il n'est pas du tout régulier comme le supposaient les chercheurs. Les lignes de champ qu'on pensait organisées en spirale se révèlent beaucoup plus complexes que les modèles, assez chaotiques. Elles se tordent, elles forment des zigzags, un peu comme le dit Thierry Dudoc de Witt, l'un des chercheurs impliqués dans cette mission, comme si on avait face à nous un plat de spaghettis. Alors ces revirements, ces tournants des spaghettis, si vous voulez, il faut les comprendre. Qu'est-ce qui les crée? D'où viennent-ils? Ils vont de pair avec une accélération du vent solaire. Ce flot de particules qui va habituellement à 300-400 km par seconde, d'un seul coup, sur de brèves périodes, il connaît des accélérations plus 150 km par seconde de plus. Un peu comme si on prenait l'image d'une succession de vagues sur la mer, apparaissait tout à coup une vague scélérate. Vous savez ce terme-là, vague scélérate, ça désigne les vagues immenses, très très hautes, très fortes, qui à coup sûr renversent les navires. Et bien là, ce sont dans les torsions, les coudes des spaghettis, qu'il y a un surcroît d'énergie qui correspond donc aux vagues scélérates. Et pourquoi c'est important de savoir ça, Sophie? Eh bien parce que cette question du chauffage de la couronne, là, qu'on comprend pas très bien, il faut trouver une réponse. D'où vient l'énergie qui chauffe la couronne, qui atteint ce million, voire 2, 3 millions de degrés? Est-ce que ce sont dans ces structures que se passe le transfert d'énergie, hein, parce que qui dit chauffage dit transfert d'énergie? Ça constitue un candidat potentiel selon Mathieu Berthomier, un autre chercheur du CNRS au laboratoire de physique des plasmas, mais évidemment les autres survols vont peut-être permettre de répondre à la question, de résoudre l'énigme. Alors vous évoquiez aussi l'importance de la sonde pour mieux prévoir la météorologie spatiale. De quoi s'agit-il? Oui, on s'est aperçu que l'activité solaire impactait nos systèmes de communication. Lors des tempêtes que le connaît le Soleil, les éjections de matière sont si violentes que le bouclier qui protège la Terre, la magnétosphère, ne suffit pas à nous protéger des particules chargées. Il peut en résulter des pannes pour nos satellites, mais aussi nos réseaux électriques. Ça s'est d'ailleurs produit pendant 9 heures au Canada en 1989, une panne absolument géante. Mmh. Et aujourd'hui, où on dépend encore plus, évidemment, des satellites pour nos moyens de communication, il faut absolument améliorer cette météorologie spatiale, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, je vous le disais, il y aura encore 24 survols à venir dans les 6 ans qui viennent. Et donc, vraisemblablement une meilleure compréhension de notre étoile. C'est vrai que c'est la première fois qu'on s'est approché aussi près du Soleil. Et puis, en février prochain, une autre sonde européenne, c'est la Solar Orbiter, viendra aussi s'approcher du Soleil et compléter les résultats de la sonde Parker. Il y a encore plein de choses à comprendre sur énormément. Le fonctionnement Vous de notre imaginez Soleil. Bien que c'est une fournaise, le Soleil, et qu'il a fallu des avancées technologiques pour fabriquer une sonde capable de résister à ces vents solaires. Ils vont tisser une toile d'araignée hein, sur tout le pays. Bah et ça va être Même une semaine, vous partez une semaine de... Il y en a, les araignées. Oui, vous partez une semaine de chez vous, il y en a, ils se retrouvent toujours. Oui, mais non, je vous parle pas. Ah, non, si. Oui, mais je vous parle pas de ça. Si, oui. Vous aurez même des internets et tout. Il y a déjà un continent, un intermarché. Oh non, mais non, mais je vous parle pas de ça. Je vous dis que vous pourrez obtenir avec une simple souris tout ce que vous voulez. Vous devenez pas bien. Ben quoi, des... Je ne sais pas si avec le temps, Monsieur Morel des Deschiens a fini par se familiariser avec le monde d'Internet et du numérique. Et je serais curieux de connaître son avis sur la création d'un comité pilote d'éthique du numérique. Création qui a été annoncée en début de semaine, Carole Châtelain. De quoi s'agit-il exactement? Bien, il s'agit d'une émanation du Comité National Consultatif d'Éthique, le CNCE, qui existe depuis maintenant plus de 40 ans et qui est chargé de donner des avis sur les questions de société soulevées par les progrès dans les sciences et la santé. Et en fait, c'est par exemple à ce CNCE que l'on doit l'avis favorable à l'extension de la PMA pour toutes, pour toutes les femmes, et tout à fait récemment dans le cadre des révisions de la loi de bioéthique. Mais cette fois, il s'agit de la constitution avec le comité pilote d'éthique du numérique de réfléchir aux conséquences des enjeux de l'intelligence artificielle et du numérique, parce qu'ils prennent une place grandissante, pour ne pas dire centrale dans notre société, et que l'éthique, c'est une des questions absolument sensibles pour l'avenir de nos sociétés, justement, qui sont devenues massivement numériques. Et la présidence de ce comité sécurité a été confiée à Claude Kirchner, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, qui est un spécialiste de cybersécurité et qui siège depuis longtemps dans les instances d'éthique. Et il ne s'agit pas d'un énième comité Théodule. Ah bah, c'est toujours le risque, mais car les avis ne sont que consultatifs. Mais c'est un signe fort quand même que la France, comme l'avait voulu le rapport Villani qui a été rendu en 2018, veut être l'une des têtes de pont dans le monde de la réflexion éthique. Et on peut avoir des exemples précis un peu de ces... Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas le budget de ce comité, mais on sait qu'il faudra regarder ces avis de façon très très pointue, parce qu'il est constitué de philosophes, d'informaticiens, de spécialistes de cybersécurité, de physiciens, etc. Par exemple, on y note la présence de Laurence de Villers, hein, qui est une spécialiste de l'IA, ou d'Éric Germain, qui est un spécialiste d'histoire de sciences politiques et qui travaille avec le ministère des Armées. Et c'est très important, en fait, que ces disciplines dialoguent, parce que depuis quelques années, on peut dire que l'intelligence artificielle et le numérique avancent masqués, en fait. Et il faut une réflexion globale sur ces questions, parce qu'elles touchent à la souveraineté, hein, et elles touchent aussi à la démocratie, parce qu'on sait très bien que ces technologies peuvent conduire à des manipulations et à des privations de liberté. Vous demandez un exemple, prenons celui de la Chine. On sait qu'il y a un système de notation de ses citoyens, mais tout à fait récemment, il y a quelques jours, la Chine a annoncé que pour avoir accès à un opérateur mobile, il fallait avoir accès à la reconnaissance faciale. On pense également à la protection des données personnelles. Ah oui, ça aussi, effectivement, c'est une des questions sur lesquelles devra réfléchir ce comité pilote, hein, parce qu'il y a plusieurs scandales récents qui ont mis en lumière l'opacité de certaines pratiques, hein, l'utilisation de ces données personnelles par ce qu'on appelle les GAFAMI, hein, les Google, les Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et IBM. Alors, pas besoin d'aller si loin pour trouver des failles. En France, la CNIL vient cette semaine de mettre en demeure le ministère de l'Intérieur de respecter la sécurité des données personnelles des automobilistes qui sont flashés par les radars tourelles. Donc, même chez nous, ça n'est pas respecté. Ce comité devra s'occuper aussi des algorithmes, puisqu'on sait aussi qu'ils sont très opaques. On n'arrive pas à rentrer dans la boîte noire. Il y a des algorithmes frauduleux, on l'a vu notamment avec les constructeurs automobiles qui truquaient leurs algorithmes pour les émissions polluantes. Il y a aussi les algorithmes biaisés d'Amazon, hein, qui ne recrutaient que des hommes à un moment. Il y a aussi les services santé américains qui privilégiaient, dans les aides d'urgence, qui privilégiaient les blancs par rapport aux noirs. Et donc, on pense aussi à tout ce qui va se mettre en place du côté de la justice prédictive, aux innovations dans le domaine de la défense, hein, on pense aussi aux armes autonomes, donc vraiment, ce comité pilote aura du travail. Sophie. Et en santé aussi, puisque la France se veut pionnière dans la santé numérique, mais quid de l'anonymisation de nos données? Si notre assureur ou notre banquier apprennent que nous avons telle ou telle prédisposition à une maladie, vous imaginez bien que c'est grave. Alors les premiers avis, hein, parce que ce comité pilote s'est saisi de trois questions, hein, il donnera ses premiers avis en 2021, donc il s'apportera sur la voiture autonome, hein, qui pose des questions de responsabilité, sur le diagnostic médical dont justement Sophie vient de parler, puisqu'il faudra s'assurer que c'est bien l'humain en l'occurrence et pas un algorithme qui va donner les diagnostics, notamment dans le domaine du cancer. Donc on attend ces avis pour 2021. Oui, et on se rend compte à quel point c'est important d'aborder ces questions en mettant effectivement de l'éthique dans la façon de gérer le numérique. Sophie Bécherel, découverte d'une Vénus de 23 000 ans particulièrement bien conservée à Amiens. Oui, une petite merveille paléolithique de 4 cm de haut. Elle a été mise au jour cet été, mais elle n'a été présentée que cette semaine par les archéologues de l'INRAP, l'Institut de recherche en archéologie préventive, à deux pas de la zone d'activité commerciale de Renancourt, qui est un quartier d'Amiens qu'il fouille depuis quelques années. Alors cette Vénus de Renancourt, elle a les seins lourds qui lui tombent sur le torse, le fessier proéminent, le ventre rebondi, deux belles cuisses, et son visage, qui n'a pas de traits, est entouré d'une coiffe en résille, du moins si on en juge par le cadre au silex très fin qui a été gravé. C'est une beauté typique du style gravettien de l'époque, où l'on songe aux autres statuettes féminines, hein, qu'on a trouvées partout en Europe, hein, des Pyrénées jusqu'à la Sibérie. Et cette Vénus est très très délicate, elle est surtout intacte, c'est pour ça que c'est une découverte exceptionnelle. L'analyse du matériau par les archéologues, c'est de la craie, laisse penser qu'elle a été taillée sur place à l'époque, donc il y a 23 000 ans, peut-être par un groupe de chasseurs qui s'était arrêté là, puisque les archéologues ont trouvé un autre indice, les restes de 10 poulains tués et consommés là, plutôt à la fin de l'hiver. Voilà, peut-être qu'elle sera visible dans un musée un jour. En tout cas, si vous allez sur un Internet. Moteur de recherche, vous verrez les photos de cette magnifique ouais. Vénus de Renancourt. C'est vrai qu'elle est jolie, cette Vénus. Carole Châtelain, des tumeurs cancéreuses envoyées à bord de la Station Spatiale Internationale. Oui, dès le début de l'année 2020, une équipe de chercheurs australiens va envoyer des cellules cancéreuses dans la Station Spatiale Internationale parce qu'ils se sont rendus compte par leur travail que qu'en microgravité, la plupart, la grande majorité, 80 à 90% des cellules cancéreuses ne parvenaient pas à s'agglomérer pour former des tumeurs. Elles n'arrivaient plus à s'envoyer les messages chimiques pour former ces tumeurs qui sont évidemment extrêmement délétères. Donc, on va les envoyer dans l'ISS dans ces conditions de microgravité. On va les observer pour voir ce qui se passe. Alors, tout ça, il ne faut pas donner de faux espoirs. Pour l'instant, pas de traitement en vue. Simplement, c'est une recherche en cours. Très bien. Oui, bon, on suivra ça. Carole Chatelain, au sommaire de Sciences et Avenir. Alors, nous nous intéresserons très bientôt à la méditation et en quoi elle nous permet de refocaliser notre attention. Et l'attention, on sait que c'est un trésor dans nos sociétés qui sont très sollicitées par tous les écrans. Merci, Carole Chatelain et Sophie Bécherel. Et à très bientôt. Pas de deuxième heure aujourd'hui en raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.